الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله ومرحبا بكم. Donc je m'excuse pour le dernier ders, j'étais pas en mesure de le donner faute de temps. Et là aujourd'hui, bizna ta'ala, on va finir ce fasl qui est adab at-ta'amul bayna al-mu'minin, qui est le chapitre du relationnel entre les croyants. Ce sont trois hadiths qui restent, on va les finir ce soir, inshallah ta'ala. Qala al-mu'allifu حفظه الله تعالى في الحديث 18 بعد المئة 18 من هذا الفصل 118 حديث الكتاب كي هو 18 من هذا الفصل بعنوان النهي عن التحاسد والتباعد والتقاطع والتدابر l'interdiction de se jalouser, de se détester, de rompre les liens et de se détourner les uns des autres. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم ولا بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يغذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب مرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Dans ce fameux hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne vous jalousez pas et ne faites pas la vente en nage. Tanajush, on va en parler, inshallah. Et ne vous haïssez pas et ne vous détournez pas les uns des autres, et que aucun d'entre vous ne vende sur la vente de son frère, les uns sur les autres. Soyez des serviteurs d'Allah en toute fraternité, que le muslim et le frère du muslim, il ne le laisse pas, il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas, et que la taqwa se trouve à cet endroit-là, et il indique sa poitrine trois fois. Et il dit, il suffit comme mal du muslim qu'il méprise son frère muslim. Tout muslim est sacré sur tout musulman, c'est-à-dire son sang, c'est-à-dire sa vie, ses biens et son honneur. Donc là, on y voit des grands droits des musulmans entre eux, à travers ce hadith, qui doivent être respectés dans l'absolu. Dans l'absolu. En premier lieu, il dit « Wala tahasadu » et ne vous jalousez pas. Là, dans le sens de la jalousie, il faut savoir qu'en arabe, la jalousie, elle se dit de différentes façons. Mathalène, la jalousie qu'il y a, Mathalène, d'un homme pour sa femme ou d'une femme pour son mari, ça s'appelle al-ghayra. Là, c'est une jalousie. D'accord ? C'est la jalousie, on va dire, passionnelle, liée à l'amour ou liée à l'attachement. Et il y a la jalousie, on appelle le hasad en arabe, ce qui est voulu là dans ce hadith, c'est le fait de détester que quelqu'un ait un bien. Tu le jalouses pour ce bien qu'il a. Tu n'aimes pas qu'il ait telle chose. D'accord ? Même si tu ne l'avais pas pour toi, tu n'aimes pas qu'il ait telle chose. Et pire encore, que tu souhaites que cette chose, il la perde. Mathalan, un frère, Allah Azawajal, lui a apporté le hifz, il mémorise bien le Coran, le hadith, il comprend bien. Toi, tu le jalouses. Dans quel sens? Tu n'aimes pas le voir avancer en religion et le voir s'élever. Et le voir même apprécier des gens et que les gens fassent son éloge. Tu n'aimes pas cela. Ça t'agace au fond de toi. Ça, c'est du hasad. C'est ça dans ce hadith qui est venu. Ou qu'un frère dans la dunya ouvre un commerce et que ce commerce se voit fructueux. Ça t'agace. Tu ne veux pas que le frère réussisse. Ou entre les sœurs, une sœur, par exemple, a un beau physique. Mathalène. Et notre sœur la voit et n'aime pas que cette sœur-là ait cette beauté. Elle voudrait par exemple qu'elle s'en ait 10. Ou qu'elle voit que elle souhaiterait que cette sœur-là ne soit pas, mesela, soit moins convoitée pour le mariage, si jamais c'est une sœur célibataire. Ou voire même, elle peut être jalouse de sa situation conjugale. D'accord ? Cette sœur, elle est mariée, elle a une famille stable, elle a un époux, des enfants, l'autre sœur la jalouse pour cela. Foulana, je veux pas qu'elle ait ça. Ça la gaze de savoir que cette sœur-là, dans sa vie, elle est bien. D'accord ? Ou elle est jalouse pour ses enfants. Ses enfants, par exemple, machallah, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils ont un bon comportement, et voilà, ils sont dans la religion, ils sont sur une bonne base. Et bien, elle va être jalouse. D'accord ? Elle voudra que cela cesse. Elle ne supporte pas de voir que telle sœur a ça et que elle, même si elle est là, il se peut qu'elle ait encore plus d'enfants, que ses enfants soient encore mieux que les siens peut-être, mais elle ne veut pas que celle sœur, cette sœur-là, ait ça. Elle ne veut pas qu'elle l'ait. Donc là, c'est ça qui est voulu par cette jalousie ici. Car cette jalousie, elle est destructrice et elle amène à... Elle amène à contester le décret d'Allah. Si Allah a décidé qu'un tel aura telle chose, soit tu ne veux pas qu'il ait telle chose. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais que ce que Allah lui a donné, je ne veux pas qu'il lui donne. Mais qui tu es pour décider, toi ? Qui es-tu pour décider ce que Allah s'en donne ou ne donne pas ? Allahumma, la mu'ti de ma manart wa la mania de ma artait. Oh Allah, nul ne pourra empêcher ce que tu vas donner, tout comme nul ne pourra donner ce que tu vas empêcher. C'est Allah qui décide. Lillah il amr min qabl wa min ba'd. Donc cette jalousie, c'est un sentiment destructeur. Et il a été dit que la jalousie, on parle du hasad là, à ce moment-là, c'est une jalousie, c'est une maladie qui est juste. Pourquoi ? Car en réalité, le jaloux, c'est lui qui fait plus de mal. Le jaloux, il est rongé matin et soir. Il n'est pas bien. Alors que celui qui est jalousé, il fait sa vie, il est naïf, il ne fait pas attention. Peut-être même que le jalousé t'aime bien. Il aime bien le jaloux. Il ne sait pas que le jaloux le jalouse. Il lui passe, il fait sourire, il passe salam. Il ne sait pas que l'autre, lorsqu'il le voit, il est au fond de lui, il est enragé de le voir qu'il a telle et telle chose. Donc en réalité, celui qui est jaloux ne se fait du mal qu'à lui-même. Cette jalousie-là, elle ne te fait de mal qu'à toi-même si jamais tu en es atteint. Et il a dit, cher l'islam, que toute personne a une part de jalousie en lui. Cependant, il y a ceux qui arrivent à la contenir, à la repousser, et il y a ceux qui laissent libre cours à cette jalousie. Et ceux-là sont les perdants. Donc quand tu vois que tu sens en toi cette chose-là, que tu n'aimes pas qu'un frère ait une chose, et cela te fait quelque chose dans ton nefs, fais les doigts pour lui qu'Allah le rajoute, et cela dissipera ton cœur, Inch'Allah ta'ala. Il faut le repousser. C'est un sentiment, il faut le repousser. Et ne pas confondre avec l'envie, al-ribza, comme on dit en arabe, c'est le fait que quelqu'un ait un bien, tu souhaites avoir la même chose que lui, sans que pour autant lui ne le perde. Ça c'est bien, c'est louable. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la hasad il est fils natayn, qu'il n'y a pas de jalousie, et là ce qui est voulu par là, c'est al-ribza, c'est l'envie, la bonne envie. À part dans deux choses, un homme à qui Allah azawajal a accordé le Coran et qui le récite matin et soir, donc toi tu aimerais faire comme lui, et un homme à qui Allah a donné de l'argent et qui le dépense dans la vérité. Tu aimerais avoir de l'argent, non pas pour avoir une vie confortable, mais pour pouvoir faire du bien avec, comme le fait un tel. Comme étaient les Sahaba. Les Sahaba enviaient, les Sahaba pauvres enviaient les riches du fait qu'ils pouvaient dépenser de leurs biens. Et qu'eux en étaient privés de cette adoration et de ce mérite. C'est tout. Pas parce que tu as une plus belle maison, une plus belle monture, ou non. Parce qu'un tel avec son argent peut faire plus de bien que moi je ne peux pas faire. Ça c'est ribda, c'est une bonne envie celle-ci, qui amène à se concurrencer dans le bien. Il a dit là, tanajashu. Tanajush, c'est une vente, ça veut dire que toi, par exemple, tu es un frère, tu vends une marchandise, et tu es un complice. Et tu es un complice qui passe, et qui dit, il te demande combien tu vends telle chose. Toi tu lui dis, par exemple, je la vends 50 euros. Il dit, moi, je te l'achète pour 55 euros. Comme ça, quand un troisième passe, il entend 55 euros, il se dit que cette chose-là, elle est vraiment bien. Donc, il va dire, moi, je te l'achète 66 euros. En fait, tu fais monter le prix en trichant. Donc, en faisant cela, tu trompes l'acheteur. C'est-à-dire que là, le vendeur et l'autre sont complices pour lever le prix pour qu'une troisième ou quatrième ou cinquième personne externe à leur relation ne soit pas au courant et vienne pour acheter de la marchandise à un prix plus haut. Donc, cela amène à de la rancœur entre nous, parce que si par exemple demain la personne sait quel est le vrai prix de cette marchandise là qu'elle s'est fait avoir, elle va t'en vouloir et ça va amener à une division, ça va amener à entacher les relations. Il a dit là tabarazu, on ne doit pas se détester, on ne doit pas se haïr entre croyants. Après il y a des cas où cela doit être demandé, par exemple pour des gens de la bid'a ou des gens de la perversion, D'accord? Des gens du mal. C'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, il y a une limite à ne pas dépasser tant que la personne reste un croyant. Tu ne vas pas détester un croyant pervers comme tu vas détester un kafir, même s'il fait du bien. Ils ne sont pas égaux. D'accord? Même le pire des croyants sera meilleur que le meilleur des koufars. Toujours. La tadabaru, c'est le fait de ne pas de se tourner le dos, de se détourner les uns des autres. Ça, c'est une chose qui est interdite. Voilà yabir ba'dukum ala bay' ba'd, que aucun d'entre vous ne vende à fouen sur la vente de son frère. À titre d'exemple, comme on disait tout à l'heure, tu vendais une marchandise, on dit que tu la vends à 50 euros. Et tu as conclu un accord avec un client. Et de là, un autre frère passe et dit, moi cette marchandise, je la vends 45 euros si tu veux, je l'ai moins cher. Alors que les deux là sont déjà en accord. Toi tu viens et tu fais fais entrave à leur accord pour pouvoir, comme on dit, c'est quoi le mot déjà, soudoyer cette personne, ce client qui va acheter. Donc qu'est-ce que tu amènes à faire seul, tu causes de la rancœur dans le cœur de ton frère. Et pareil dans ce hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yartub ahadukum ala khidbat akhi, que aucun d'entre vous ne vienne faire une khidba à une femme qui a déjà été demandée en mariage par son frère. Si une sœur a été demandée en mariage et une khidba qui a été faite et qu'il n'y a pas eu encore de réponse, il n'y a eu ni oui ni non, tu ne peux pas venir et la demander en mariage également tant qu'elle ne s'est pas décidée. Si elle dit non, alors tu peux. Et pire encore, si elle dit oui, elle dit oui. Et toi, tu viens, tu dis, ah ben moi, je me marie aussi avec toi, je te propose en mar, le double de l'autre, casa et casa. Ça, c'est pire encore. Quand une sœur, elle est martouba, c'est-à-dire elle est demandée en mariage, et la khidba, ils sont vus, ils sont en accord, personne ne doit venir pour essayer de la détourner vers lui. Ce n'est pas permis. D'accord ? Et si jamais la sœur n'est pas intéressée, elle dit non au premier, et après, si elle est intéressée par le deuxième, là, elle y va. Ah ben, elle est, ah, je sais pas, ben, je vais voir ce que l'autre me propose. Non. Ça marche pas comme ça. Là, c'est pas un commerce. Pour aller vers quelqu'un d'autre, alors que t'es martouba, tu dois d'abord dire non au premier khatib, pour aller vers le deuxième, au troisième, au quatrième. Après, il dit « Wakunu ibadallah ikhwana » qu'on doit être des serviteurs d'Allah en toute fraternité. Et là, c'est la fraternité religieuse. Comme encore le ta'ala, « Innaman mu'minuna ikhwa » que les croyants, seuls les croyants sont des frères. Le muslim, akhul muslim, le muslim, le frère du muslim. La yazlimuhu, il ne le laisse pas. Il ne fait pas subir d'injustice. La yarzuluhu, il ne l'abandonne pas. Lorsque ton frère est dans le besoin que tu es en mesure de pouvoir le soutenir, tu dois alors agir. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, unsur akhak zaliman ou mazlouman. Secours ton frère, qu'il soit lésé ou qu'il soit injuste. Et l'injuste, comment est-ce qu'on le secourt ? En l'empêchant d'agir dans son zolm. Walayarkirohu. Tarkir, c'est le fait de mépriser quelqu'un. D'accord ? De le mépriser. Ça veut dire, tu le mets plus bas que terre. Et ça, les gens qui sont méprisants sont les gens qui sont hautains et orgueilleux, à la base. Et ne pas confondre entre mépriser quelqu'un et corriger quelqu'un. Car tu as des gens, quand tu les corriges, ils te disent, tu me méprises. Je dis, non, je te rappelle. C'est souvent arrivé. Des gens qui veulent prendre une place qui n'est pas la leur, et quand tu leur rappelles la chose, ils disent tu me méprises. Tu vois ce que ça veut dire ? Ces gens-là, ce n'est pas du mépris. Ça s'appelle ta'dib, tu les corriges. Pour le faire comprendre, Ahri ou Urti, reste à ta place. Tu rentres dans une chose qui n'est pas de ton ressort. Donc à ce moment-là, la personne, il faut lui rappeler cela. Et ce n'est pas du mépris de dire aux gens qu'ils restent à leur place. Même si c'est de la justesse. Et c'est la nasiha. Yaqul wa taqwa ha'una. Yushiru il est sadori salaf marrat. Il dit la taqwa, elle est là, en montrant sa poitrine. Et la taqwa, c'est pris de l'ewikaya et c'est le sens de protection. C'est que tu te protèges de la colère d'Allah Azawajal et de son châtiment. Et la taqwa, c'est comme. Elle commence par le cœur. C'est-à-dire, si ton cœur est empli de taqwa, cela va forcément se refléter à travers tes actes et tes paroles. C'est obligatoire. Les gens qui disent c'est dans la. Tout ce qui est dans le cœur, ça compte. On dit, en effet, ça compte. Mais ce qui est dans le cœur ressort à travers le corps. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jasad mudra, izé salahat, salahal jasad kulluhu, ou izé fasadat, fasadat jasad kulluhu, ela wa yal kolb. Si ton cœur il est, bon, ton corps le sera. Ça va se voir sur toi. C'est inévitable. Donc ne pas se faire, on va dire, endormir par ce discours des gens qui disent « Il ne faut pas juger, on ne connaît pas le contenu des cœurs. » On dit « Non, on ne connaît pas le contenu des cœurs, mais les agissements sont des indices du contenu du cœur. » Et souvent, ces gens qui appellent à ne pas émettre de jugement sont des gens qui, à la base, sont condamnables. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont condamnables, donc ils ne veulent pas être condamnés pour le mal qu'ils font. Du moins, ils ne veulent pas assumer le mal qu'ils font. Ou alors, ce sont des gens qui fréquentent des gens qui font du mal, ils savent qu'ils ne pourront pas dire à ces gens-là « Ce que tu fais, c'est mal », donc ils disent cette règle-là. On ne juge pas les gens, car ils sont incapables de pouvoir blâmer le blâmable. Donc, pour pouvoir endormir les gens, ils disent « On ne juge pas les gens », alors qu'en islam, on juge les gens, en fonction des actes et en fonction de ce qu'ils nous font apparaître. Il y a les gens « mustaqimoun » de droiture, il y a les gens « wasal » les désobéissants, il y a les « fujjar », il y a les pervers, ainsi de suite, il y a les « kuffar ». Un voleur, c'est un voleur. Un menteur, c'est un menteur. Un fornicateur, c'est un fornicateur. Un innovateur, c'est un innovateur. Un raciste, désobéissant, c'est un désobéissant. Les gens, on les juge en fonction de leurs actes. Et c'est une chose qui est humaine. Même chez les koufars, les gens se jugent entre eux. Tu es gentil, tu es méchant, tu es honnête, tu es malhonnête, ainsi de suite. Après, les juments peuvent être erronés, certes. Mais les juments sont émis obligatoirement. Il n'y a pas une personne qui ne juge pas une autre personne. Hein, quand on se regarde en apparence, on va se juger. Toi, tu es grand. Toi, tu es petit. Toi, tu es blanc. Toi, tu es noir. Toi, tu es gros. Toi, tu es mince. Toi, tu es musclé. Toi, tu es beau. Toi, tu es pas belle. Toi, tu es moche. Toi, tu es intelligent. On se juge. Il faut l'admettre. L'être humain se juge. Après, il faut que les juments soient faits de façon équitable et correcte. Et non pas basés sur nos passions du fait de juger quelqu'un. Comme tu ne l'aimes pas, tu le juges mal. Ça, t'as pas le droit. Ou quelqu'un, tu l'aimes bien, tu le juges bien alors qu'il mérite un jugement défavorable. Tu n'as pas le droit. Il faut rester équitable. Et ça, c'est très très dur. On vous l'admet. Et l'équité, ce n'est pas une chose qui est accordée à tout le monde, d'être équitable. Ensuite, donc il dit la taqwa, elle est dans la poitrine, c'est-à-dire dans le cœur. Et il dit qu'il suffit à la personne comme mal qu'elle méprise son frère musulman. Le simple fait que tu aies du mépris pour ton frère musulman, t'as déjà du mal en toi. Même si ce mépris, tu ne l'exprimes pas, mais au fond de toi, tu vois ton frère musulman. Et voilà. Au fond de toi, cet homme-là, ou même une sœur, le musulman, tu le rabaisses pour des raisons qu'il ne mérite pas. D'accord ? Car t'as des gens, comme je l'expliquais, des fois, ils font des choses. Ils peuvent, par exemple, le moutadir, faasir, qui ment sur Allah, sur la religion, qui trompe les gens. Tu peux le mépriser, celui-là. Il mérite. Car ce qu'il fait induit les gens en erreur et égare les gens. Il a droit du mépris, celui-là. Mais sans dépasser les limites. Et tout musulman est haram sur le musulman. Daimuhu, c'est-à-dire qu'on ne tue pas le musulman. Ma'luhu, on ne prend pas les biens du musulman. Ne serait-ce qu'une chose infime, on ne prend pas les biens du musulman sans sa permission. La seule chose qu'on peut prendre de force à un musulman, c'est une chose qu'il doit. Comme par exemple la zakat, ça revient au gouverneur. Ou réclamer une dette. Ou alors s'il a endommagé des biens, qu'il les rembourse, ce qui s'ensuit. Sans quoi le reste, prendre l'argent du musulman est interdit. Tout ce qui est impôt, tout ce qui est taxe, c'est interdit, on ne touche pas à l'argent du musulman. Ou irdou, son honneur. On ne bafoue pas l'honneur du musulman, ni en insultant, ni en mentant sur lui, ni en faisant du riba, et encore moins de namima, et ce qui s'ensuit, fausse accusation. Et tout cela varie. Tout cela varie. Donc l'honneur du musulman est sacré. Et d'ailleurs, ces trois choses-là, le dem, qui est la vie, le mel, qui sont les biens, et les ird, font partie des cinq objectifs prioritaires de l'islam, qui sont la religion, protéger la religion, la bonne croyance, protéger la vie, protéger les biens, protéger l'honneur ou la descendance, et protéger la raison, c'est-à-dire la décence, ne pas ce qui interdit toutes les choses qui enivrent, comme les drogues et l'alcool. Donc ces trois choses-là en font partie. Très important. Après, il dit Fawaid al-Hadith Wujub al-Ukhuwa al-Imaniya liqoulihi sallallahu alayhi wa sallam wa kunu ibadallah ikhwana. L'obligation d'appliquer la fraternité dit à la foi. Car l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soyez des serviteurs d'Allah en toute fraternité. Thaniyan tahrim al-Tahasud wal-Tabarud wal-Taqatur wal-Tadabur. L'interdiction de se jalouser, de se détester, de rompre les liens entre nous et de se tourner le dos les uns les autres. Thalithan tahrim bay' al-muslim ala bay' akhi, qu'il n'est pas permis au muslim de vendre sur la vente de son frère. Rabi'an an-nahy an idha al-muslim bi ay wajhin min al-wujuh min qawlin aw fi'lin aw isharatin, qu'il n'est pas permis de nuire au muslim de toutes les façons que ce soit, ni par les paroles, ni par les actes, et ni même par des gestes, même par des gestuels. Khamisan an-nahy amma yujibu at-taba'uz والاختلاف والامر بما يسبب التحاب والاختلاف, qu'il est interdit de faire toute chose qui va aboutir à une détestation entre nous et à une divergence, tout comme il est obligatoire de faire les choses qui amènent à l'amour entre nous et à l'union. Il faut faire ces causes là et vous allez voir, sachez une chose, les gens les plus, on va dire, combattus au monde. Vous savez, c'est qui les gens les plus combattus au monde? Les gens que les gens supportent le moins au monde. Vous savez qui ils sont? Ce sont les gens qui ordonnent le convenable et interdisent le blabab. Ces gens-là, les gens ne les supportent pas. Vous pensez que ça va être un dealer, un braqueur, un criminel, un mafieux, ou une prostituée, ou... Non, c'est pas ces gens-là les plus... qui insupportent le plus les gens. Ce sont les gens qui... ordonne le convenable et qui interdisent le blabab. Ça, c'était le rôle des prophètes. Voilà pourquoi les gens les ont combattus. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on voit les gens, parmi les gens de l'islam, se faire, entre autres, accepter par les koufars, parce qu'ils ne font pas l'ordonnance du convenable. Si on le faisait concrètement, vous verriez le vrai visage du koufar avec nous. Et même entre nous. Même entre nous. Toute personne qui apporte nasiha et qui montre une vérité, qui dit aux gens de faire telle chose car c'est un bien et que les gens n'aiment pas la faire, ou de ne pas faire telle chose car c'est un mal alors que les gens aiment la faire, ces gens-là sont les gens les plus combattus qui soient. Les moins aimés. De leur vivant. Mais une fois qu'ils sont morts, ah, c'était des gens bien. Oui, mais de leur vivant, vous aurez fait la guerre. C'est facile de faire les honneurs d'un mort. Même les koufars, ils le font. Hein. Quand ils sont vivants, ce sont les pires des gens. Quand ils sont morts, ah, c'était le meilleur. C'est un héros. Il n'est plus là. Donc il ne te dérange plus maintenant. Il n'est plus là. Mais quand il était là, comment t'es-tu comporté avec lui? Quand il faisait nasiha, quand il montrait une vérité, quand il condamnait un mal, comment les gens le prenaient? Tout le monde le combattait. Donc regardez, la chose la plus dure à affronter et à assumer et endosser, c'est ordonner le convenable et interdire le blâmable. C'est ça que les gens, ça les insupporte. Les gens ne supportent pas qu'on leur dise les choses, car ils disent « arrête de me faire la morale, arrête de me faire des leçons, tu te prends pour qui, ça te regarde pas ». Voilà, ça les insupporte les gens. Regardez bien. Et voilà pourquoi la dernière fois on en a parlé. Faïda, que Satan Rouen la main, ils ont dit que si jamais il y avait un sixième pilier dans l'islam, ça serait celui-ci. « El amr bil ma'alouf wa n'ari an munkar ». Après il dit « Saadisan » أن مقتضى الأخوة في الإسلام انتفاء هذه الأمور ثلاثة الظلم والاحتقار والخذلان. Ça veut dire que cette fraternité, elle va annihiler ces trois choses en islam. Ça va empêcher l'injustice. Ça va empêcher le mépris et ça va empêcher l'abandon. Si on applique une vraie fraternité, ces choses-là ne pourront pas avoir lieu. سابعا أن احتقار المسلم من كبائر الذنوب, que mépriser le musulman est parmi les grands péchés. ثامنا أن مدار العمل على القلب وأنه محل التقوى والجوارح تابعة له. Et que le pivot sur lequel se place l'acte, c'est le cœur. D'accord ? Et que les membres ne font que suivre le reste. Le cœur, la taqwa s'y trouve, et c'est, on va dire, le tableau de bord, mais on va dire le volant du corps. C'est le volant du corps. C'est avec ça que tu vois, le reste du corps va suivre. Taïeb. Si tu as une bonne direction, tu vas dans la bonne direction. Si tu tiens bien le cap, ton corps va suivre le cap. Mais si jamais t'es perdu, ton corps il va se perdre avec toi. Si dans ta tête t'es perdu, dans ton cœur t'es perdu, ton corps il va être perdu également. Ça va le soi. Tasi'an, tahrim dam al-muslim wa 'irdihi wa malihi illa bihaq, qu'il est interdit de toucher à la vie du musulman, même de le blesser, à son intégrité physique, à son honneur et à ses biens, à part dans un cas légitime, comme dans les sentences établies par le gouverneur. Ashiran wujub nasrat al-muslim li akhihi idha ista'ana bihi fi daf' dhalim wa nahwihi إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي qu'il est obligatoire de secourir son frère lorsque celui-ci demande de l'aide pour repousser un injuste ou tant qu'il le peut, d'accord, et tant qu'il n'y a pas une on va dire une chose qui le dispense d'agir de la sorte, c'est-à-dire qu'il est en mesure d'agir et qu'il a besoin de lui, il doit agir dans la mesure du possible. طيب ثم قال الحديث التاسع عشر بعد المئة هو التاسع عشر من هذا الفصل l'interdiction عفوا النهي عن التهاجر لغير مصلحة شرعية l'interdiction de se boycotter sans raison valable légiférer. يقول النبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بدأ بالسلام متفق عليه. Donc l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam selon Abu Ayyub al-Ansari qu'il n'est pas permis aux musulmans de faire le hajr à son frère, c'est-à-dire le boycotter, plus de trois jours. C'est-à-dire les deux se rencontrent et pourtant ils se détournent l'un de l'autre. Et le meilleur des deux est celui qui va commencer à passer le salam. Celui qui fera le premier pas, comme on dit. C'est lui le meilleur des deux. Donc le rapporteur, c'est Abu Ayyub al-Ansari. Il s'appelle Khalid ibn Zayd. Et Zayd ibn Khalid, vous savez c'est qui? L'inverse. Zayd ibn Khalid, c'est Abu Salama. Donc Khalid ibn Zayd, c'est Abu Ayyub al-Ansari. Et Zayd ibn Khalid, c'est Abu Salama. Et c'était un Ansari, comme le dit son nom. Et il était un grand parmi son peuple. Et il est le premier chez qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été accueilli lors de sa descente à Al-Medina dans la Hijra. Quand il a quitté Mecca pour faire la Hijra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Medina. Le premier qu'il a accueilli chez lui, avant que le prophète n'ait une demeure à lui ou autre, c'est Abu Ayyub. Il l'a ramené chez lui, c'était à son honneur. Et il était parmi ceux qui ont contribué à construire le Masjid al-Nabawi. Il a participé à toutes les batailles, de Badr jusqu'à la fin, même après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lors des conquêtes des jours de l'islam. Et il est mort lors du Khilafa de Muawiya. Et il a rapporté à peu près 55 hadiths. À peu près 55 hadiths. Donc il dit « La yihil li muslimin an yahjura akhahu fok thalatha layalin » qui n'est pas permis aux musulmans de boycotter son frère plus de 3 jours. On va dire plutôt plus de 3 nuits. « El hajr huwa et tark » Le hajr, ce qu'on appelle le hajr, c'est le fait de délaisser. C'est un boycott. Ça veut dire que le musulman, tu ne lui adresses plus la parole. Tu ne passes pas le salam. Tu ne parles plus avec lui. En français, on peut dire on se bouge, on se fait la tête, ce genre de choses. Ça veut dire que ce sont des situations à laquelle nous sommes amenés de connaître qu'il y ait des khilafs entre nous, des désaccords entre nous, des disputes entre nous, des querelles entre nous. C'est humain. C'est quasiment inévitable. Et une rancœur va en apparaître. Et cette rancœur fera en sorte que tu ne voudras pas voir même un frère avec qui tu étais proche pendant quelques temps, tu ne voudras pas lui parler. Parce qu'il t'a agacé, il t'a énervé. Tu ne veux pas le voir. Cependant, bien que ce sentiment te soit accordé, il a des limites. 3 jours maximum. Au bout de 3 jours, tu n'as plus le droit, on va dire, de bouder ton frère. Ou ta sœur. D'accord ? Tu es obligé de faire un acte qui amène à montrer qu'il y a une relation entre toi et lui. Et pourquoi 3 jours ? Car généralement, c'est au bout de 3 jours que tu commences à t'apaiser et à te remettre en question. Celui qui a tort doit mettre son tort et venir s'excuser. Et celui qui a raison, il doit être modeste et tendre la main à son frère pour lui ouvrir la porte du pardon. Avant, au-delà des 3 jours. Et le meilleur des deux, c'est celui qui commencera à aller voir l'autre, celui qui fait le premier pas, en passant le salam. Salamu alaikum. Ya akhi. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et de là, un discours s'ouvre et des excuses se donnent. Et des fois, c'est les deux compteurs. Hein. Les deux sont mis en désaccord pour une chose futile, qui n'en vaut pas la peine, ou un malentendu, chose qui est souvent le cas, ou alors une mas'ala qui ne méritait pas d'en arriver là. Un désaccord qui a été, on va dire, amplifié, qui ne méritait pas d'en arriver au stade du boycott. Et ainsi de suite. Donc tu as 3 jours pour pouvoir te réconcilier avec ton frère. Maintenant, il y a des cas particuliers, comme le boycott, par exemple, du Mubtadir, l'innovateur. Alors lui, tu peux le boycotter, lui c'est à vie, tant qu'il ne fait pas une tauba. Et ce boycott, il est pour différentes raisons. Premièrement, l'innovateur, pour te protéger de son mal. Car tu n'es pas à l'abri que cette personne-là te mette des ambiguïtés dans ta tête. Tu parles avec lui, il peut te contaminer. Deuxièmement, pour l'isoler, en guise de sanction. Je ne te parle pas. Pour montrer que tu n'es pas d'accord avec lui et tu ne veux même pas parler avec lui. D'accord ? Et c'est un ta'dib. C'est également une éducation pour lui pour qu'il se corrige. Il se remet en question. Car être boycotté, c'est dur pour le nefs. C'est très dur. Que personne ne te parle, tout le monde te voit, se détourne de toi. Les sahabas, lorsque étaient boycottés, les 3, dont Ka'b ibn Malik et ses 2 compagnons, l'un des 2 pleurait. À tel point que celui qui est boycotté, il lui est permis de faire la salat chez lui, de ne pas sortir pour la jamara. Tellement c'est dur pour le nefs. Quoi qu'il en soit, le mubtadir, il faut le boycotter. Et bien sûr, tant que ce boycott n'arrive pas à un mal plus grand. Car des fois, un boycott d'un mubtadir peut être mal interprété par les awam qui ne comprennent pas et ça va amener à ce que le mubtadir soit celui qui soit vu comme étant la victime et toi le fautif. Donc on va dire que ça va se retourner contre toi. Donc il faut être intelligent. À quel moment le faire ou ne pas le faire. Et également le pervers. D'accord ? Le pervers. Et de là, vous voyez des gens, alors qu'on est censé boycotter le pervers et autres, aller faire des lives avec des pervers. Discuter de façon respectueuse avec des grands pervers. Ça, c'est une chose qui est rajib. C'est une chose qui est rajib. Des gens dont le mal est apparent, qu'on doit condamner et qu'on doit réprimander, des gens veulent débattre avec eux. Sous prétexte d'appeler à l'islam. Alors que l'islam, justement, comment tu y appelles? En l'appliquant. Et comment tu l'appliques? Ces gens-là, tu les mets de côté, tu les boycottes. Les gens du façade, les gens du mal, les gens de la corruption. Donc dans ces moments-là, il est permis de boycotter. D'accord. Cependant, quand il n'y a pas de raison chariya qui implique cette obligation, cela ne doit pas aller au-delà de 3 jours. Et le salam, c'est une cause qui permet de répandre l'amour. Alors que le mot peut dire, on ne doit pas l'aimer. Et quand je ne dois pas l'aimer, on se comprend bien, c'est d'un amour que l'on va accorder aux gens du bien. Après, ça reste un musulman avec ses droits, certains droits, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, on ne doit pas lui montrer la marque d'amour. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une condamnation du blâmable. Son mal, on le condamne. Et parmi les causes qu'il y a, réfuter son erreur, mettre les gens en garde contre lui et le boycotter. Et le boycotter. Et si au moins ça ne lui sert pas à lui, on espère que ça sera une cause pour préserver les gens qui ne soient pas contaminés par son mal. Et vous voyez que celui qui appelle à un boycott légiféré, eh ben les gens ne vont pas l'aimer. Ouais, tu fais la division, ouais, t'es orgueilleux, ouais, pourquoi tu ne parles pas à ton frère? Parce que cette personne-là, le jugement religieux sur lui qui s'applique, c'est le hajj, c'est le boycott. Que ça te plaise ou non. Mais comme les gens sont très dans les sentiments, d'accord, les émotions, eh ben ils comprennent pas ce genre de jugement. Par contre, quand tu les mets en colère, là, ils vont boycotter. Pour les choses de la dunya, ils vont boycotter. Mais quand c'est le din, non. On est tous frères. Tout le monde, il est beau, il est gentil. Alors que ce n'est pas le cas. Yaqul, donc ce qu'il faut retenir, bon, ça vient dans le fawaid, inshallah. Yaqul fawaid al-hadith. تحريم حجر المسلم لأخيه فوق ثلاثة أيام qu'il est interdit de boycotter le muslim au-delà de 3 jours. Et c'est valable entre hommes et entre femmes. C'est-à-dire les sœurs entre elles et les hommes entre eux. ثانيا جواز حجر المسلم لأخيه في ثلاثة أيام وأقل ويذهب فيها ما في نفسه عليه. Donc il est permis de moins de 3 jours de boycotter quelqu'un. D'accord ? Tu le boudes, tu laisses le temps que cette rancœur se dissipe, et pas au-delà de 3 jours. ثالثا النهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هاجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا وما أهل البدع ونحوهم فهجرهم دائمة. Et comme on vient d'expliquer, le fait de boycotter moins de 3 jours, cela c'est pour les gens de les choses de la dunya, d'accord, et autres. Quant au mubtadir, tu le boycottes à tout jamais, du moins juste à ce qu'il se repente de son de sa bid'a. وقلما تجد من يتوب عن بدعته وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت التوبة على المبتدع حتى يتوب من بدعته. Et tu verras rarement un mubtadir, un innovateur, se repentir de sa bid'a. C'est rare de chez rare. Ça arrive, mais c'est très rare. رابعا أن الحجر يزول بالسلام. Et que le hajj, quand tu boycottes quelqu'un, à quel moment on dit, considère qu'il est annulé? En lui passant le salam. خامسا أن الذي يبدأ بالسلام وخير للمتقيين لأنه أقرب إلى التواضع وأنسب إلى الصفاء وحسن الخلق. Donc celui qui commence, qui fait le premier pas, c'est le meilleur des deux. Car il est plus proche de la modestie, de l'humilité. Et il lui a un comportement plus proche de ce qui amène à l'union et au bon comportement. سادسا أنه يجب على المسلمين أن يقوموا بما يوجب المودة والمحبة وهو إفشاء السلام. Et qu'il est obligatoire aux musulmans de faire les causes qui amènent à répandre l'amour et l'affection et l'union entre nous. Et parmi ces causes-là, il y a le fait de répandre le salam, de se passer le salam. Et là, on va finir par ce troisième hadith. On va finir ce fasl, le bismillah ta'ala. والحديث العشرون بعد المئة 120 حديث والعشرون من هذا الفصل بعنوان النهي عن التجسس l'interdiction de ses pieds de s'espionner. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف بأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أي عفوا يفرون منه صب في أذني الأنوك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بالنافخ رواه مسلم عفوا البخاري. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui prétend avoir vu un rêve alors qu'il n'a rien vu, lui il sera ordonné de lier, c'est-à-dire de nouer entre deux grains d'orge, il en sera capable. Celui qui écoute une discussion, d'accord, à l'insu des gens, alors qu'il ne souhaite pas qu'il l'entende, alors voire pire, il s'éloigne de lui et qui vient quand même écouter, d'accord, lui, il lui sera versé du plomb fondu dans les oreilles. Yom al-Qiyam. Et celui qui façonne une image, il sera châtié, il lui sera imposé d'y insuffler la vie, alors qu'il sera incapable. Yom al-Qiyamah. Donc là, en premier lieu, celui qui dit avoir vu en rêve telle et telle chose, alors qu'il n'a rien vu du tout. Lui, son châtiment, car c'est un mensonge, une tromperie, car des fois les rêves, quand c'est un rêve qui vient d'Allah Azzawajal, on peut en déduire des sagesses, on peut en déduire des enseignements, et on peut même avoir des choses qui sont prémonitoires. D'accord ? Les rêves sont une branche de la prophétie. Les rêves qui viennent d'Allah Azzawajal sont une branche de la prophétie, ils ont un sens. Ils ont une signification. Et ils ont une interprétation. D'accord ? Donc celui qui prétend avoir vu un rêve alors qu'il ne l'a pas vu, cette personne-là est une personne qui est mauvaise. Et que lui, son châtiment sera que Yom al-Qiyama, on lui donnera 2 grains d'orge et demandera de faire un nœud entre les deux. Chose qui est impossible. Un grain d'orge, c'est la taille d'un grain de riz à peu près. Essaie de prendre 2 grains de riz et de faire un nœud entre les deux. Tu ne peux pas. Qu'il soit cru ou qu'il soit cuit, tu ne peux pas le faire. Donc ça veut dire qu'il sera châtié par cette chose-là. Après le shahid du hadith, celui qui écoute des gens qui discutent ou qui disent des choses alors que eux ne souhaitent pas qu'il écoute ce qu'il dit, ou voire même s'éloigne de lui, alors que lui vient pour écouter, c'est ça, il vient pour espionner en fait, alors celui-là, dans ses oreilles, il sera versé du plomb fondu. Yom al-Qiyam. Car c'est vraiment un comportement indécent et incorrect. Des gens parlent entre eux, deux frères, deux sœurs, trois frères, trois sœurs, quoi qu'il en soit, ils parlent d'une discussion qui ne te regarde pas. Ils veulent que ce soit un secret entre eux. Toi, tu viens, et tu viens, comme on dit, mettre ton nez là-dedans, alors qu'ils ne veulent pas que tu entendes. C'est vraiment incommode. Ou alors, tu as des gens, moi, c'est mon cas à moi, à travers ces douros, à travers ce canal. Il y a des gens, je ne souhaite pas leur présence. D'accord ? Il y a des gens, et ils savent très bien qui ils sont. Je ne souhaite pas leur présence. Donc ce n'est pas la peine qu'ils viennent cacher pour m'écouter, ou envoyer des émissaires pour écouter ce que j'ai à dire, pour ensuite faire leur façade. Car là-bas, si j'ai une personne mauvaise qui dit des choses mauvaises, alors ne viens pas m'écouter. Ça va aussi, c'est aussi simple que ça. Si mon discours ne te plaît pas, d'accord, ce que j'ai à dire ne te plaît pas, eh ben passe ton chemin, fais ta vie, va écouter des gens dont le discours te plaît. Mais venir m'écouter pour me critiquer derrière, ça, je le dis, mes doulous ne sont pas... je ne souhaite pas que mes doulous soient accessibles à ce genre de personnes. Soit tu viens écouter, tu profites, soit alors tu vas écouter quelqu'un d'autre. Ah ben m'écouter pour me critiquer par rapport à ce que je dis, ça veut dire que c'est pas pour Allah que tu fais ça. Ton but, ce n'est pas la vérité. Ton but, c'est ce qu'on vient dans le hadith de tout à l'heure. Ton but, c'est de nuire à l'image de la personne. Est-ce que nous, on va écouter les mutadira? Si demain, une personne dit une chose qui est parole qui est mauvaise, on va l'écouter, on va réfuter. C'est tout. Par écrit, par audio, ce qui s'ensuit. Mais est-ce qu'on va pour autant aller épier qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font? On n'a pas que ça à faire. Parmi le bon islam de la personne qui délaisse, qui ne regarde pas. Quelqu'un qui dit une parole qui ne m'intéresse pas, je ne l'écoute pas. Est-ce que nous, on va dans les doulous des soufis pour écouter qu'est-ce qu'ils disent? Non. On va chez Dihouan écouter qu'est-ce qu'ils disent? Non. On va voir les Hizbis écouter qu'est-ce qu'ils disent? Non. On n'a pas le temps, on a déjà tellement de choses à faire pour nous-mêmes. Donc on dit à ces gens-là qui viennent écouter en cachette avec des comptes anonymes ou qui envoient leurs émissaires écouter pour rapporter ou quoi, ces gens-là, sachez une chose, je crains pour vous que ce hadith ne s'applique sur vous. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. Encore pire quand je bloque quelqu'un et qu'il trouve le moyen de détourner pour venir quand même. Là, c'est de l'acharnement. Mais ces gens-là ne se font de mal qu'à eux-mêmes. Ils ne me nuisent en rien à moi. Mais qu'ils sachent que cette menace plane sur eux. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ne vient ici qu'une personne qui veut apprendre et profiter. Si jamais on va dire le contenu lui plaît, il se peut que les gens préfèrent l'eau soupe de notre frère qui fait les doulous, il n'y a pas de problème. On peut diversifier. D'accord, tu préfères un tel comment il explique ou un tel comment il est, il n'y a pas de problème. Le discours, le minage est le même. Mais quelqu'un qui vient écouter pour prendre des informations pour les critiquer ou quoi, celui-là n'est pas le bienvenu. Qu'il le sache. Et qu'elle le sache. طيب. ثم قال ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. Là, c'est la masala que l'on vous répète tout le temps et tout le temps et tout le temps. Celui qui va façonner une image, c'est-à-dire une image dhat et ruh, d'un être doté d'âme, humain, animal. Un humain, un animal. Et cela, que cela soit par le dessin, que cela soit par la photographie, que ce soit par les vidéos, tu filmes quelqu'un, tu photographies quelqu'un, tu dessines quelqu'un, tu sculptes quelqu'un ou un animal, tu rentres dans la menace, car ça, c'est parmi les grands péchés. Et que cette personne-là, on le dira, Yom al-Qiyama, met le souffle de vie dans cette chose dont tu as fait l'image. Et tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا فيتعذب به في جهنم. Que toute personne qui façonne une image sera au feu. Et que pour chaque image, Allah fera que cette il donnera, Allah donnera une âme à chaque image que cette personne-là aura façonnée, par laquelle il sera châtié dans le feu de l'enfer. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الملائكة بيتا في كلب وراء سورة, que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a des images et un chien. Et la chose, comme on l'expliquait, c'est pareil. Tu mets une vidéo, tu chasses les anges de chez toi. Tu mets une photo, un dessin, tu chasses les anges de chez toi. Tu mets un chien, tu chasses les anges de chez toi. Les hadiths sont clairs. Donc toutes les personnes qui viennent dire, oh, la vidéo ça rentre pas dedans, la photo ne rentre pas dedans, désolé, vous n'avez aucune preuve pour dire cela. En arabe, ça s'appelle surah. Vous allez en arabe, dans un pays arabe, ça s'appelle taswir. C'est quoi taswir? Faire une image. Faire une photo, on appelle ça moussawir. Un photographe s'appelle un moussawir. C'est le même mot en arabe. Donc vouloir diviser, faire croire que ça rentre pas dedans, ça n'a aucune preuve. C'est un ijtihad qui n'est pas accepté et nous, on est en droit de blâmer les gens qui font cela. Qui qu'il soit, que ce soit un savant, que ce soit un prédicateur, que ce soit un touriste, que ce soit un jour pendant la Umrah, qui tu veux, on peut dire aux gens, ce que tu fais c'est haram, tu n'as pas le droit de le faire. Et qu'on ne peut pas dire, oui, il y a divergence. Ta divergence, peu m'importe, tu n'as pas le droit de le faire, c'est haram parmi les kaba'ir. On vous le dit. C'est pour cela qu'on blâme souvent les gens qui font cela et le taswir, ça amène à beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal. Même au-delà des punitions religieuses, ça amène à beaucoup de mal. À ne pas baisser le regard. Ça amène à l'ostentation. Ça amène à accrocher des gens aux individus. Ça amène à plein de mots. À la perte des mœurs. Michel Abed, il l'a dit, que plein de jeunes ont été perdus à cause de quoi? Des images. Et en plus, ça accroche à la dunya. Quand le Nabi s'en est rentré chez lui, qu'il avait vu sur les rideaux avec des images d'oiseaux, il les a arrachés et il a dit « ça me rappelle la dunya ». Alors que la dunya, normalement, on s'en détache. On s'en éloigne. Et nous, aujourd'hui, on met sur nos téléphones la photo du petit. Bah oui, tu vas t'accrocher à la dunya, tu mets de la photo de ton fils sur ton téléphone portable. Bah là, t'es à l'opposé de l'enseignement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a déchiré des rideaux pour des oiseaux. Tuzakirni bidunya. Alors que la dunya, on doit s'en détacher, être prêt à partir à n'importe quel moment. Et affronter où nous partir, on voit les gens partir. Et toi, tu mets les photos de ton enfant partout, sur les murs, dans ton téléphone, photos souvenirs. Souvenirs de quoi? De la dunya? Tu t'accroches à la dunya. Tu ne seras pas prêt le jour faudra après. Tu ne pourras pas être prêt. Tu seras accroché, lié à cette dunya-là. Le jour faudra faire un délaissement ou quoi, tu ne pourras pas le faire. Pourquoi? Rien que par ces images-là, ces vidéos, tu seras accroché à tes souvenirs. À la dunya. Il y a plein de sagesse à délaisser le taswir. Plein de sagesse. Plein. Et la première, c'est que cela est un droit d'Allah Azawajal. Le taswir ala khalq, c'est une création, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que tu mettes l'attention de vouloir faire comme Allah ou pas, Allah a jugé que ton acte c'est une création. Et le khaliq al-mutlaq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Taïf. Fawaid al-hadith. Awwal tahrim al-kadhib fi al-ahlam. Ben yakul ra'aytu fi manam kaza wa kaza wa kadhib. L'interdiction de mentir dans les rêves, de dire j'ai rêvé de telle et telle chose alors que tu n'as rien vu. Ça, c'est parmi les grands péchés. Encore pire, ceux qui prétendent qu'ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a plein, des comme ça, des beaux parleurs. Pour se faire passer pour des aouliers, des gens pieux, des gens proches d'Allah azawajal, ils disent moi j'ai vu le prophète alors qu'il n'a rien vu du tout. On s'en trouve, il a vu un shaitan, parce qu'il va dire, shaitan ne prend pas mon apparence. Mais qui te dit que c'est le prophète que tu as vu, que c'est pas un shaitan que tu as vu? Qu'est-ce que tu en sais? Comment vas-tu distinguer? Tu ne le sais pas. Thaniyan, an-nahi an-tajassus wa su'adh-dhann wa al-bahth an bawatin umur an-nas. L'interdiction d'épier les gens, et de penser du mal des gens, et de chercher leurs secrets. Et celui qui cherche les secrets des gens, lui-même, Allah Azawajal, va dévoiler ses propres secrets aux autres. Thalithan, an tajassus ala al-muslimin wa tatabbu' awratihim min al-kaba'ir. Et que espionner les muslimines et de chercher leurs choses intimes parmi les grands péchés. Et pareil, d'envoyer des gens dans les mosquées pour surveiller ce que les muslimines y font. Et encore pire pour leur apporter au kuffar. Et encore pire pour nuire à une darwa ou à... ou autre à l'islam. Parce qu'aujourd'hui, les koufars, quand ils envoient des gens dans les mosquées pour espionner, ils envoient qui? Ils envoient des muslimines, hein. Ils vont pas envoyer... ils savent très bien qu'il faut que la personne se fonde dans la masse. Donc ça va être quoi? Ça va être un musulman. Celui-là, c'est un traître, celui-là. Et vous savez, il a dit Shamuk Bil que si jamais les espions faisaient vraiment leur travail, c'est-à-dire quand ils viennent dans un ders et qu'ils rapportent mot pour mot, de façon équitable, ce qu'il a entendu dans le ders, ce sera un indicateur. Cependant, eux, ils viennent pour chercher un mal, ils vont mentir sur toi. Il a dit ça, il est comme ci, il est comme ça, il embrigade les gens, et il parle sur ceci, c'est un extrémiste, il appelle au terrorisme, alors qu'il n'y a rien de tout ça. Mais comme ils n'ont rien, ils n'ont que le mensonge pour le salir. Et après, la mosquée, on la ferme, ou alors, on interdit de faire la khutba, ou il n'est pas imam, ou on ferme ses durous, ou ainsi de suite. Fichier S, c'est ce qui s'ensuit. Pourquoi ? Pour empêcher que la parole d'Allah Azzawajal soit propagée. Et quoi qu'il fasse, la darwa se fera de toute façon, sachez-le. Ils peuvent fermer la bouche, ou tenter de fermer la bouche à plein de prédicateurs, empêcher les savants de venir. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Al-Islam ya'alou wa la alayhi » que l'islam va dominer, ne sera jamais dominé. Et plus ils feront en sorte de faire taire l'islam, et plus l'islam se fera connaître. Quoi qu'ils fassent. « Thumma qal, khamisan an al-jaza min jins al-amal, lian al-janaya kanat lil-udhun » et que la rétribution est en fonction de l'action. Et comme la personne a fait son mal, c'est-à-dire elle a espionné avec ses oreilles, alors il sera châtié au Qiyama dans ses oreilles, avec du plomb fondu. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience avec de la cire de bougie, d'en faire couler une goutte sur votre main. Ça brûle 2 secondes. Ça dure pas longtemps, mais ça brûle. Tout le monde s'est déjà brûlé avec du feu. Ou quoi ? Là, c'est du métal fondu. Du métal fondu qui sera versé dans les oreilles. Pourquoi ? Parce que tu es parti écouter ce qui ne te revient pas. Là, dans ce bas monde, tu le minimises. Tu dis, c'est rien, j'écoute. Yomer Kiyama, pour cet acte qui paraît aussi anodin et infime à tes yeux, tu t'exposes à ce châtiment douloureux, Yomer Kiyama. Donc, reste à ta place. Et occupe-toi de tes affaires. C'est ce qu'il y a de mieux. Là, on parle de quelqu'un qui va aller écouter. On ne dit pas quelqu'un qui a entendu malgré lui. D'accord ? Quelqu'un qui va aller écouter alors qu'on ne veut pas qu'il écoute. Thalithan, la yadkhulu fi an-nahi al-tajassus ala al-adu fi al-jihad aw man 'urifa bil-qara'in azmuhu ala jiram aw fasad. Par contre, cet espionnage, cette sentence, on va dire cette punition, n'est pas pour une personne qui va espionner pour une raison valable. Comme par exemple, espionner les ennemis. Par exemple, les gouverneurs des Moussimouns, ils envoient des gens pour espionner les koufars. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ou alors, même espionner un masjid dont on craint du mal. Des gens qui appellent à des idéologies qui sont dangereuses. Il n'y a pas de mal également à le faire. Ou quelqu'un, on sait qu'il va faire du mal. Le surveiller. Ça, c'est parmi les causes de... ça c'est pas une maslaha, c'est autre chose, d'accord, mais ça généralement c'est fait par des gens d'autorité, des gens de pouvoir, pas par n'importe qui. Donc là ça rentre pas là-dedans. سابعاً تحريم تصوير ذوات الأرواح سواء كان لها ذل أو لم يكن وهو من كبير الذنوب لأنه مضاها لخلق الله. Et il a dit l'interdiction justement de façonner des images dotées d'âme. Que cela soit des choses tridimensionnelles, bidimensionnelles, ou ce que c'est-à-dire que ce n'est pas valable que pour les statues. Il y a des gens qui ont dit que c'est que pour les statues. Non, ce n'est pas que pour les statues, c'est valable pour les images. Car il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Ali ibn Abi Talib, la tadar suratan il est un masta. Ne laisse pas une image sans l'effacer. Il n'a pas dit sans la casser, il a dit sans l'effacer. Donc ce n'est pas que pour les statues, c'est valable même pour les images bidimensionnelle sur les murs, sur toutes les surfaces planes ou autres, comme les photos, comme les dessins, comme les fresques, ce qui s'ensuit. Tout cela n'est pas permis. Et également, cela est une tentative de concurrence dans la création d'Allah Azzawajal. Que tu le veuilles ou non, que tu aies mis l'intention ou non, Allah Azzawajal a jugé cela comme étant Mudaha bi khalqihi wa adama yajuz. Naam. Donc là, on a fini ce fossil avec ces 3 hadiths. Et vendredi, bismillah ta'ala, on entrera dans le 7e chapitre qui est Al-Shama'il, Al-Dala'il, Al-Khasa'is. Des choses qui sont propres au Nabi sallallahu alayhi wa sallam parmi ses caractéristiques et parmi ses particularités et des preuves de sa prophétie. Naktafi biyad al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik, لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.